Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à avec des cris de joie pour tous ces témoignages. Alléluia. Amen. Et que Dieu t'exauce aussi. Na wewe Mungu akupe jibu yako. Amen. Que ta situation change dès maintenant. Na maisha yako ibadilike kwa kufunga na kufungua macho. Que tes larmes soient essuyées. Na machozi yako ipanguziwe. Et que ce qui était noir et sombre. Na ilikuwa giza leo upoke mwanga. Soit éclairé. Amen. Amen. Alors, nous revenons dans notre texte, dans notre sujet. Tungali katika usomi wetu, katika kichwa ya somo letu. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Efeso 3 makumi mbili. On peut le lire ensemble. Tunaweza tena kuisoma pamoja. Ephésiens 3 20. Efeso 3 makumi mbili. Nous lisons. Tunasoma. Ensemble. Pamoja. Basi Mungu ambaye. Attends. Vous avez trouvé? Tumepata Efeso 3 makumi mbili. Ok, allons-y alors. Tuende pamoja. Or, basi Mungu à celui qui peut faire, yake, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, waza, kuomba, dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, pendant deux jours, nous avons parlé de, par la puissance qui agit en nous. Et nous avons été bénis, moi-même j'ai été béni de comprendre ces choses. De comprendre ces choses dans mon esprit. Parce que finalement, la parole devient réel lorsqu'elle accède dans notre esprit. Unajua neno ni kweli inapoingia rohoni mwetu. Aussi longtemps que la parole est encore une, comme une pensée, wakati une lettre, neno ingali tu, des écrits, des phrases, maandiko inabakia kwa akili tu, elle n'a pas d'effet. Haizae matunda maishani mwetu. Nous pouvons faciliter Dieu à tunaweza opérer dans notre kumsaidia vie Mungu afanye à la mesure kazi, où nous travaillons notre cœur pour que la parole de Dieu monte dans notre esprit. Neno liingie kabisa ndani ya roho zetu. Et c'est par la méditation, ni kwa kutafakari, c'est par la réflexion sur la ni parole, kwa kufikiria neno la Mungu, c'est par la prière, ni kwa kuomba, c'est par l'humilité, ni katika hali ya kujishusha, c'est par cette soif-là, ni kwa hiyo kiu, et que nous méditons. Tunatafakari nayo, et la parole monte. Na neno la Mungu linapanda ndani. Alléluia. Amen. Alors prenons le point suivant. Tunakamata nukta inayofuata. Ou le phare suivant pour comprendre notre thème. Inayofuata ili tuelewe somo letu. C'est infiniment au-delà. Ni zaidi kupita. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par infiniment tuelewe au-delà nini? Kwa neno hili zaidi kupita. Il peut faire Mungu anaweza kutenda infiniment au-delà kupita de tout ce que nous pouvons penser yale ou demander. Tunaweza kufikiri au kumuomba. Qu'est-ce que c'est que infiniment ni nini hile au-delà zaidi kupita? En anglais, il est écrit exceedingly, abundantly, above. Un peu comme excédemment, excédemment en abondance, au-delà. Je crois que le traducteur lui aussi avait manqué le mot, il n'a pas trouvé le mot exact. Excédemment, abondamment, au-delà. Imevuka mipaka zaidi. Excédemment au-delà. Imevuka mipaka zaidi. Abondamment au-delà. Imeja zaidi. Mais tout ça ensemble. Na iyote pamoja. Il peut faire. Mungu anaweza kutenda. Infiniment au-delà. Zaidi kupita. De tout ce que nous pouvons penser yale ou attendre. Yale tunaweza kumuomba au kufikiri. Il peut faire. Mungu anaweza kutenda. Reviendra à ce il peut faire prochainement. Hapa, il peut faire. Mungu anaweza kututendea. Il peut faire. Mungu anaweza kututendea. Infiniment au-delà. Kupita. Ce concept infiniment jambo, renferme plusieurs facettes de l'opération divine. Lorsque Dieu libère sa grâce vers vous, chaque fois que Dieu libère sa grâce vers toi, attends-toi à ce que dans diverses facettes, Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu pries, et au-delà de ce que tu penses. Nous avons écrit des requêtes ici. Nous venons de les présenter à Dieu. La chose qu'il faut chercher maintenant, c'est de dire, Seigneur, la grâce. Parce que si maintenant mes requêtes te rendent dans un environnement de grâce, tu vas agir au-delà, infiniment, à ces requêtes. Si tu ne me fais pas grâce, il est possible que j'obtienne des choses naturellement. Parce qu'il y a un ongle qui pense à toi. Et tu sais que tu es en chômage. Anasema, mtoto wangu hana kazi. Et cet ongle peut t'appeler. Na ule muyomba anaweza kupigia telefone anasema mtoto yangu kabahasha kale ka transfer kale. Nimemuparti yetu. Dans notre parti politique on cherche quelqu'un. Muchama yetu ya siasa bako natafuta mtu. Et puis bon. Leta jina. Ça ressemble à ce que tu demandais. Inafanana na ile ulikuwa ukiomba. C'est pas mal. Sio eye kwa vibaya mpaka pale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais partager quelques 4 ou 5 facettes de l'infiniment. Picha ine zenye kuelekea kupita zaidi. La première facette c'est infiniment en qualité. Ni kupita zaidi kwa hali iliyo bora. En qualité. Kwa hali bora. Alors tu vas avec moi dans Genèse chapitre 17. Twende ndani ya Mwanzo 17. Nous avons deux fils d'un homme. Tuna watoto wawili wa mtu mmoja. D'Abraham. Baba Abraham. Et nous allons lire. Na tutasoma pale. Le 15e au 22e verset. 15 mpaka 22. Regardez ce texte avec nous. Tusome pale pamoja. Vous avez trouvé? Pale, lisons cela ensemble. Et Dieu dit à Abraham, tu me donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je le bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, deux points, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Isaac, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Verset 22. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. Et que cette parole soit oui et amen pour quelqu'un qui attend des enfants. Amen. Parce qu'elle s'est accomplie pour Sarah. L'année suivante, Isaac était là. Que l'année prochaine, 2019, ton enfant soit là. Que ton Isaac soit là. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur pour les Isaac. Les Isaac qui seront là l'année prochaine, nous allons les présenter ici au Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez. Abraham est fatigué d'attendre le fils de la promesse. Dieu a même à lui montrer les étoiles et lui a dit ta descendance sera comme ça. Mais les années passent. Voici bientôt 25 ans. Rien. Et puis Dieu vient le voir. Il lui dit, tu vas affronter. Et Abraham. Na Abraham rigole. Anacheka. Et il dit, akisema moyoni mwake, Seigneur, Mungu, ne te fatigue plus. Acha kujichokesha na maahadi. Dans cette affaire là. Mwai maneno ya kumpa mtoto. Transfère seulement. Wewe upebe hii neema. Tes prévisions. Inyo litayarisha kwangu. Et le contenu de tes promesses. Na baraka ulizitayarisha. Transfère ça sur l'enfant qui est déjà là. Uzitie kumtoto mwenye nilizala kwa kijakazi. Donc faisons des arrangements. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut te faire du bien, il ne fait pas des arrangements. Il tient à ce que lui tient à faire. Que Dieu accomplisse ce qu'il tient à faire dans ta vie. Et seulement ce qu'il tient à faire. Les arrangements n'arrangent pas Dieu. Dites à ton voisin, les arrangements n'arrangent pas Dieu. Mungu haitaki. Transfère sur Isaac ce que Ubebe tu as promis. Ya Ismaili. Dieu dit non, non. Mungu anasema, haiko vile njo mie ndiko napanga. Ta femme Sarah va enfanter un fils, tu vas l'appeler Isaac. Atazala mtoto. Pas Ismaël. Apana Ismaeli. Il s'appellera Isaac, point. Wako ataitwa Isaac. Et puis Dieu parle avec consistance. Na Mungu anaongea na il dit, j'établirai mon alliance avec lui. Na huyu mtoto. Et ça sera une alliance perpétuelle agano ya siku zote. Qui va aller dans sa génération. Itaenda vizazi vingine. Et pour Ismaël, j'étais exaucé. Nimekusikia. Et puis Dieu cite certaines choses que certains peuvent vouloir. Il dit, bon, je vais les rendre grands, je vais les bénir. Il en est fini. Il aura 12 princes. Atapata wafalme 12. Au lieu de terminer par là, Mungu aishie pale. Il revient sur Isaac. Mungu anarudiria Isaac tu. Comme pour dire, ili kutaka kusema, la qualité d'enfant Abraham que je voulais te donner, ya mutu la kukupa, qualité que je tiens à t'offrir s'appelle Isaac. Isaac. La qualité de mes promesses nzuri ya ahadi zangu est cachée dans Isaac. Inafichwa ndani ya Isaac. Et cette qualité passe par ce que j'appelle nzuri inapita mon alliance. Agano il dit, je conclurai mon alliance. Agano langu pamoja naye. Il ne dit pas, je conclurai une alliance. Haseme, il dit, agano. Je conclurai mon alliance. Anasema, agano langu. Avec Isaac. Na huyu mtoto ambaye utazaa. Alors j'aimerais t'inviter à essayer de regarder les sentiments de Dieu dans ce texte. Chacun prend son texte et nous les relisons après avoir compris. Vous allez constater quelque chose, vous allez observer une chose. On revient. Verset 17 et suivant. Abraham, allons-y. Abraham tomba, allons-y doucement. Doucement, allons-y. Abraham tomba sur sa face et rit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée 90 ans, enfant de terre. Et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'affrontera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'exaucerai. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il agendera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. Lorsqu'il y achevait de lui parler, Dieu s'éleva et il partit. Quand vous lisez ce texte, vous pouvez observer ceci. Dieu est en train de communiquer avec son intérêt focalisé quelque part. Dieu n'est pas venu traiter deux dossiers. Il est venu pour un dossier. Le dossier qui lui tient à cœur, c'est Isaac. C'est la promesse. C'est son alliance. Maintenant, il y a un sujet qui le dérange. Il est obligé de parler de ça aussi. Mais il parle du bien. Mais ce n'est pas ce qui lui tient à cœur. Laisse-moi te dire. La chose la plus importante à chercher, c'est le cœur de Dieu. Qui trouve le cœur de Dieu à tout le. Comment tu parles à Abraham? Tu parles fortement de quelqu'un. Et puis tu introduis un sujet. Et puis la conclusion, c'est encore le sujet. Ce qui me tient à cœur, c'est mon alliance avec un enfant. Cet enfant, j'ai prévu depuis le commencement. Cet enfant va naître de ta femme, vieille comme tu viens de dire dans ton cœur. Elle est vieille, elle a 90 ans, mais cet enfant de mon alliance va passer par ta vieille là. Et cet enfant va passer par ces vieux que tu es. Qu'est-ce que tu poursuis, Seigneur? Je poursuis la qualité. La qualité. Dieu peut faire infiniment au-delà en qualité. En qualité. C'est pourquoi certaines fois, lorsque un sujet traîne, ne t'agite pas. Il est possible que Dieu est en train de chercher la qualité. Certaines fois, le mariage traîne. Il est possible que Dieu prévoit une qualité. Ne t'agite pas avec tous ces frères qui passent ou tous ces fiancés qu'on présente devant. Laisse-les passer. Baache. Dieu est préoccupé de la qualité. Lorsque Dieu parle à Abraham à cette date, Ismaël a 14 ans. Donc, on peut bien faire les arrangements. Donc, on est déjà sûr de l'enfant. On a déjà vu. C'est bon, parlons sur celui-ci. Il dit, pour moi, c'est la qualité ou rien. Mais comme lorsque tu m'as posé la question, en rapport avec ta femme, ce que ta femme a dit, Kufatana na yenye bibi yako alisema. Kejaye avec Agar. Ili nimkamate huyu kijakazi Agar. Et que tu étais d'accord. Na wewe ulikubali nimkamate. J'ai une dette. Niko na deni. Envers cet enfant là. Na huyu mtoto mwenye mulizala. Mais ce n'est pas lui. Lakini haiko yeye njo amechaguliwa. Il y a certaines bénédictions que nous recevons. Kuna baraka zingine tunazipokeaka. De la part de Dieu. Toka tu kwa Mungu. Qui sont produits simplement d'une résignation divine. Dieu se résigne. Ni kama tu vile Mungu anasema bo, sawa. Ou alors nous avons pris Dieu comme au dépourvu, comme dans un engrenage. Où nous avons Mungu. Fait parler Dieu, tuli nous lui avons fait promettre Mungu. Et puis... Ok. Ah, sawa kamata. Alors il dit ok. Alors, kamata. Mais dans son cœur, il cherche la qualité. Moyo wake, anafuatilia iliyo bora kwako zaidi. Il cherche la qualité. Anafuatilia iliyo bora. J'aimerais parler aux sœurs qui attendent le mariage. Acha niambie wa dada zangu ambao wanangojea ndoa. Beaucoup de malfaiteurs vous roulent. Waume wengi ni wabandi. Et profitent de votre impatience. Na wanakuja wakifaidia kwa sababu ushachoka kungoja. Parce qu'ils se disent. Anajua. Celle-là attend le mariage pour rien. Alors je lui donne des conditions. Tu couches avec moi, alors je t'épouse. Si tu refuses, je vais chez quelqu'un d'autre. Faites passer ces voyous-là. Faites-les passer. Ce n'est pas de la qualité. Quelle est cette volonté de Dieu qui commence par le péché? Tu as prié pendant 10 ans pour le mariage. Magoti mechubuka. Kisha. Kusudi Mungu akujibie. Introduction ya baraka yako. Tu vas introduire ta bénédiction. Tu passes d'abord. Kwa njia ya kusema tuanze kwanza kufanya dhambi. Sasa de quel Dieu là? Huyu ni Mungu gani alikuhubiri vile? Oh. Et puis tu vas poser la question à ta copine. Na unamuuliza ule dada unaona yeye. Kuko frère moya. Ndugu moya iko. Sasa anasema hivi. Ananipa ndio hii condition. Est-ce qu'il faut même poser des questions? Basi pale tena mtafanya négociation. Mais pose la question au Saint-Esprit. Suulize Roho Mtakatifu. Pose la question à la Bible. Suulize Biblia yako. Tu n'as même pas besoin d'aller poser la question au pasteur. Kwenda uliza pasteur. Pasteur, niko na majaribu. Vraiment si Dieu kani fanya nini? Ni kwa sasa nimepata bwana. Sasa ona gisha anaongea. J'ai trouvé quelqu'un mais voici comment il est. Est-ce qu'il faut venir nous voir? Usikie hata kutusumbua. La réponse est simple. Jibu iko tout tayari. Seigneur, bwana, est-ce que la qualité de ta bénédiction s'introduit par le péché? Aina ya baraka inaanziaka muzambi. Dieu, Mungu, vas-tu introduire ma bénédiction par le péché? Baraka itatokea muzambi. Quel genre d'introduction? Hii ni baraka ya namna gani yenye inaanzia muzambi? La qualité. Aina nzuri. Dieu peut te donner le mariage. Mungu anaweza kupa ndoa. Infiniment en qualité. Katika aina nzuri yake. Infiniment en qualité. Katika aina nzuri yake. Dieu peut te donner du travail. Mungu anaweza kupa kazi. Infiniment en qualité. Katika aina nzuri ya kazi. Beaucoup de gens attrapent le travail, du travail. Wanapokea kazi. Avec des introductions péchées. Na inakuwa na viingilio zambi. Dieu n'est pas dedans. Mungu haiko mwa ile kazi. Comment tu sauras amener ta prémisse? Namna gani utaleta mshahara wako wa kwanza mbele ya Mungu? Utasema nini? Mulango ya kuingia mkazi ilikuwa zambi. Sasa on va te donner micro ici. Tutakupa mikro kwa kushuhudia namna gani? Nashukuru Mungu. Nimefanya miaka 3 mshomaji. Kisha Mungu amenijibi. Kupitia wapi? Mwa introduction gani? Tulipita kuiuzi. Utaficha pale. Tu vois que ton témoignage unaona ushuhuda wako itakuwa inapunguka. C'est pour cela que certaines personnes ne viennent pas témoigner. Kwa wengine wanakataa kushuhudia tu kwa sababu ils ont raison. Banakuwa na sheria. Ton témoignage peut bien passer. Ushuhuda wako inaweza pita. Dans une loge. Kule kuloge ya shetani. Vous voyez non? Parce que si là-bas tu vas témoigner, c'est bon. Ukashuhudia kule, basi itapita. Ton témoignage n'a pas de place ici. Ton témoignage a la place dans la loge. Là où ça fonctionne de cette manière-là. Quand tu vas témoigner, tu vas dire « Shetani asifiwe ». Il va dire « Amen ». Nimefanya miaka tatu bila kazi sasa. Siku ile nimeingilia. Nikasakrifie. Shetani ameniingilia. Amenibariki. Na sasa nimeanza kazi, sadaka yangu njo hii. Batafanya nini kule? Batachapa mikono kabisa. Kwa sababu gani? Shetani amepata utukufu. Parce que à ce moment-là, tu auras donné la gloire au diable et non à Dieu. Vous voyez? Unaona pale. Maintenant, évalue les témoignages que tu prépares. Ona ushuhuda nyoko natayarisha. C'est ici qu'il faut les donner ou de l'autre côté. Hapa utaileta au utaileta ngambo ya pili kwa voisin. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Dieu tungali pamoja. La qualité, Dieu tient à la qualité. Et il peut te bénir infiniment en qualité. Dieu veut donner à Abraham un enfant de qualité. Dieu imagine Isaac. Et la qualité, c'est quoi? La qualité est non seulement lorsque Dieu fait, mais la qualité est aussi dans la conception et la relation entre ce qu'il fait et celui pour qui il le fait et lui-même. C'est pourquoi il dit, avec Isaac, je conclurai alliance avec lui. Et vous allez observer ceci. Pour Isaac, Dieu n'a pas dit beaucoup de choses. On peut encore regarder. Dieu dit, deux points. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, deux points, que Sarah t'enfantera. Il n'y a pas de détails de il aura beaucoup d'argent, il est ceci, il n'y a pas de détails. Quel est le problème? La qualité n'est pas bavarde. La viande fait beaucoup de bruit comme preuve que ce n'est pas encore mangeable. Ça fait beaucoup de bruit dans l'huile. Vous avez vu ça? Mais quand cette viande commence à se taire, les mamans, on peut goûter. La qualité n'est pas bavarde. Les gens qui ont la qualité n'ont pas besoin de parler d'eux. C'est pour cela au commencement Dieu, Genèse 1:1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas besoin de bavarder. Dieu ne veut pas se justifier. Il est juste là. Il a créé les cieux et la terre. Inatoche. C'est bon. Au commencement, quand Dieu te bénit, Mungu anapokubariki, efficacement, kwa nguvu, en qualité, kwa aina iliyo bora, tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Hauhitaji kufanya makelele mingi. Dia swahili kuzimishia batu moto. Kukosesha batu amani. Sogeye. Donnez-moi de l'espace. Tu n'as pas besoin de ça. Hauhitaji hii yote. Dieu n'a pas beaucoup parlé d'Isaac. Mungu hakuongelea mingi. Il a juste donné le socle de la qualité de l'enfant qui va naître. C'est un enfant qui sera en alliance avec Dieu. Et lorsque tu es en alliance avec Dieu, tous les détails sont cachés dans ces mystères. Certaines fois, tu as eu un fiancé mara unaweza kupata mchumba qui n'est pas éclatant. Anaweza kuwa hangaye comme le témoignage de la sœur tout à l'heure. Il ne répond même pas à tes critères. Anakuwa sa zingine hajibia hata kubinyuna ngoyaka. Mais c'est possible que c'est l'infiniment inawezekana de Dieu. Akawe kabisa aina bora ya Mungu. Ce garçon-là, c'est lui ton infiniment au-delà. Kujibiwa kwako zaidi. Essaye. Pima. Essaye. Dans quelques temps bientôt, karibuni hapa, tu vas te rendre compte que c'est ton infiniment en qualité. Utaona huyu kijana alikuwa na aina nzuri rohoni. Alors que ce genre, cet autre qui venait en na voiture, huyu makelele mingi na mavoiture ya il est possible qu'il emprunte la voiture. Alikuwa anabeba voiture kutora tina kia kutshitula nayo. Il empruntait. Alikuwa anabeba voiture ya kugondesha. Il empruntait des vestes. Anaenda kamata na veste ya kulipia. Avec beaucoup de parfums. Na parfum nyingi ya la bouche. Na makwafiri sijue wapi na wapi. Et quand il parle, tu as l'impression que tu rêves. Akiongea na wewe unawaza malaika alishakuya. Comme si tu veux mourir. Or la qualité n'est pas dedans. Na hakuna qualité ndani. Pima. Talia kesho. Dans quelques jours, tu vas constater qu'on viendra prendre les chaises et les amis partent avec la garde-robe. Na garde-robe yote inaenda. Et tu leur dis, mais moi je ma veste à Bwanango, c'est nazo nizetu. Banaenda nazo. La qualité. Qualité haileta makelele. Frère, ndugu dada. Il dit pour Ismaël. Wa Ismaël. D'accord. Dio. Je vais lui donner. Nitamupa. Je vais lui donner. Nitamupa. Mais pour Isaac. Lakini Isaac. Mon alliance. Agano yangu tu. Mon alliance. Agano yangu inatosha. Vous voyez pourquoi nous sommes. Munaona sababu tuko katika agano. Je suis en alliance avec mon Dieu. Dieu dit Abraham. Mungu anaambia Abraham, je conclurai avec alliance avec toi nitafanya agano na et avec ta progéniture na kizazi chako. Et il dit à Abraham pour son fils, anaambia Abraham juu ya mwana wake, il dit pour Isaac, huyu Isaka, je conclurai alliance avec lui, agano na yeye. C'est-à-dire les choses précieuses vitu vizuri zaidi que je détiens seront pour Isaac, vitakuwa kwa Isaka, et non pour Ismaël. Hapana kwa Ismaeli. Pour Ismaël, Ismaeli, d'accord, atakamata ndio. Quel choix tu fais wewe unafanya uchaguzi gani dans tes requêtes là? Katika hii vinyo uko naombea, quelle est la qualité de tes requêtes? Aina gani ya vinyo unaombea? Tu es en train de forcer Dieu à quelque chose. Uko unasukuma Mungu Seigneur, kwa jambo fulani. Mungu nipe. Seigneur, donne-moi ce frère. C'est celui-là que je veux. Donne-moi ce frère là. Ce frère là. Attention, Dieu risque de te le donner. Mungu anaweza kupa. Ukishamkaza anakupa sasa. Comme Ismaël. Kama Ismaël. Il dit OK, kamata. Utazala batoto munane. Mutakuwa na kanyumba, na kavatire, na mana. Mais bien nous, si comme moi bio. Quelqu'un peut-il s'exercer à Mutu chercher la qualité kutia moyo wake kutafuta iliyo bora inayotoka kwa Mungu? Beaucoup avancé. On a trop parlé. Hein. La qualité. Tumeongelea iliyo aina iliyo bora zaidi. Regardez. Tuangalie. Juste dans le chapitre précédent à côté là. 16 pale. Lorsque Dieu parle de Ismaël, Mungu akiongelea Ismaël, il est écrit au verset 7. Kumsari wa saba. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chours. Il dit, Agar, servante de Sarai, D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, vous avez remarqué, l'ange de l'Éternel lui dit, dans certaines choses, Dieu est obligé d'envoyer son ange. Dans les choses de qualité, Dieu vient lui-même. Nous avons intérêt de chercher Dieu lui-même. Merci pour les anges. Vous êtes affectés sur nous. Mais certaines fois, chers anges, nous avons besoin du direct avec le Père. On a besoin du direct. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Regardez, l'ange parle à qui? À Agar. Donc Ismaël, c'est la postérité de qui? Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. 11. L'ange de l'Éternel dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. D'où viens-tu, Ismaël? Ismaël, unatoka wapi? Je suis une réponse à une affliction. Majibu ya uchungu ya moyo ya mwanamke. Je vais consoler une femme affligée. Nakuja kufariji mwanamke ambaye ana uchungu moyoni. D'où viens-tu, Isaac? Unatokea wapi, Isaac? Je viens pour conclure alliance avec Mie Dieu. Nakuja kufanya mapatano na Mungu. Dieu a obligé mon père à venir. Mungu aliamuru baba yangu nikuje mudunia. Mon père voulait faire des arrangements baba pour mon grand frère. Nisizaliwe mkubwa wangu abakie yeye peke. Mais Dieu a imposé ma présence. Que Dieu impose ta présence dans cette génération. Par son alliance. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas fini là. Regardez ce que l'ange dit. Pale. On a nye malaika nasema. Verset 12. Kuminambili. Il sera, allons-y ensemble, il sera comme une âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Na kila mutu, il na habitera kila mutu, face de tous ses frères. Atapigana na Mwana kila mabaraka mutu ingine. Na kila mtu atapigana naye. Naona mabaraka zingine. Baraka zingine zinaleta vita. Watu wote watapigana na wewe. Ce n'est pas prévu pour Isaac. Haikutarishwa hivyo. Dans la qualité, katika aina bora. Il est écrit la bénédiction du Seigneur. Baraka ya Mungu. Enrichi. Inatajirisha. Et il n'a fait suivre aucun chagrin. Na huzuni yoyote. Cher ange de l'Éternel. Eh malaika wa Mungu. Tu viens de me bénir. Mais qu'est-ce que tu dis là encore? Mais arrête-toi avant de dire ces choses ici. Il dit, il sera comme un âne sauvage. Chère maman, vous qui êtes ici, quelle est cette femme qui voudrait que Dieu lui donne un enfant qui sera comme un âne sauvage? Il sera contre tous. Vous avez vu la descendance d'Ismaël? Aujourd'hui, elle est contre tous. Et tous sont contre lui. Il faut des choses. Ils égorgent les gens. Et puis, les superpuissances viennent aussi. Ils envoient des bombes. Puis, les maisons qu'ils ont construites, tout est écrasé. Ça devient comme des immondices. Et puis, ils reviennent reconstruire. Et puis, l'ange de l'Éternel avait dit à Agar, ton fils là, sera contre tous et tous contre lui. C'est de la qualité ça? Seigneur, donne-nous des bénédictions de qualité. Tu veux dire, Seigneur, aide-moi. Je veux les bénédictions de qualité. Pas des bénédictions mélangées. Des bénédictions qu'on ne sait pas décrire. Des bénédictions, malédictions en même temps. Je veux des bénédictions de qualité. Donne-moi du travail de qualité. Donne-moi une destinée de qualité. Donne-moi une église de qualité. Donne-moi un ministère de qualité. Donne-moi un foyer de qualité. Donne-moi une progéniture de qualité. La qualité. Dites à ton voisin, cherche la qualité. Qu'est-ce qui nous empêche ou qui nous éloigne de la qualité? Deux ou trois choses. La première chose, l'impatience. La deuxième chose, l'incrédulité. La troisième chose, la mondanité. On n'a pas les pensées de Dieu. On n'a pas développé les pensées de qualité. Il n'y a que les gens qui développent les pensées de qualité qui vont intéresser Dieu pour qu'il leur amène des choses de qualité. Si vous voulez un ministère qui n'a pas de qualité, bientôt un faux pasteur viendra vous proposer d'aller chez un féticheur. Et puis tu vas dire, oui, tu vas commencer à faire les miracles. Tout le monde le fait, non? Bon, allons-y. De toute façon, on ne saura jamais. Ton cœur là n'est pas un cœur de qualité. C'est pour cela que les mauvaises choses viennent facilement de toi. J'ai dit à certaines sœurs, lorsque ton cœur n'est pas de qualité et que tu veux le mariage, ton cœur de mauvaise qualité va attirer les hommes de mauvaise qualité. C'est pour ça, chaque fois tu vas te rendre compte que les messieurs qui viennent vouloir te demander la main sont déjà mariés. Sont des mariés. Quel est ton problème? Réévalue ton cœur. Comment tu vis? Comment tu te comportes? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? S'il y a des trucs qui ne sont pas de qualité, ce sont ces trucs qui vont aspirer, qui vont attirer les gens de mauvaise qualité. Quand tu es de bonne qualité, les hommes de mauvaise qualité, quand ils s'approchent de toi, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas éligibles. Il y a trop de sainteté en elle. Chère sœur, avez-vous déjà vu ces frères ou faux frères qui viennent et qui veulent vous draguer? Lorsque vous êtes pleinement en sainteté. Ça ne peut pas tenir parce que ça va tout de suite sonner dans ton esprit comme une guerre et la guerre va commencer tout de suite. C'est comme un lion qui rugit. C'est qui est en train de parler avec moi? Mais lorsque il y a mauvaise qualité dans ton cœur, tu vas parler et puis tu vas lui donner l'oreille. Tu vas lui donner l'oreille. Les mauvaises choses qui sont dedans vont te faciliter d'écouter ces messieurs. Mais quand il y a des bonnes choses en toi, les mauvaises choses vont sonner faux, vont sonner ténèbres, vont sonner saletés. vont sonner impurs. Et tu vas dire comme Joseph. Comment? La qualité. Aina nzuri. Il peut faire infiniment. Anaweza kututendea en zaidi. Qualité. Katika aina nzuri. Upesi. Cherche ministère de qualité. Huduma ya aina nzuri. Un ministère de qualité. Utumishi wa aina nzuri. Tu n'as pas besoin de courir. Hauna haja ya kukimbia. Tu ne luttes contre personne. Haupigane na mtu. Tu sers Dieu. Unamtumikia Mungu. Point. Inatosha hivi. En qualité. Katika aina nzuri. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de lutte à faire. Tu sers Dieu en qualité. Mungu kwa aina nzuri. Et le Dieu de qualité na Mungu wa aina nzuri va déverser dans ta vie les provisions. Akiba, les provisions qu'il n'a pas racontées comme pour Ismaël. Hajaeleza kama alivyoeleza kwa Ismaili. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Seigneur, donne-nous la Bwana qualité. Bwana utupe aina nzuri. Donne-nous la qualité. Utupe aina nzuri. Il peut faire infiniment Mungu qualité. Anaweza kututendea kwa aina nzuri. Au-delà de tout ce que nous pensons. Zaidi ya yale tunawaza wala kumuomba. Alléluia. Amen. S'arrêter là. Tout à simami hapa. Et demain on va continuer avec les autres infiniment. Tutaendelea na vipengele vingine. Alors demain on va commencer à 14h si vous mbele hivi ni siku ya posho tutaanza samedi. Comme c'est samedi, venons à 14h au demain. Mbele. Et nous avons un travail important demain. Tutakuwa na kazi iliyo ya maana kesho. Nous adorons le Seigneur. Nous écoutons la parole. Nous sortons pour répandre la grâce dans le quartier. Nous revenons et nous prions. Nous prions. Alléluia. Amen. Maintenant regarde. Nous voulons prier. Et demander à Dieu la qualité. Levons-nous devant le Seigneur. Levons-nous devant le Seigneur. Tu as compris quelque chose dans ton esprit. Il y a que des choses qui pénètrent notre esprit qui nous révolutionnent. Quelqu'un doit commencer à réfléchir qualité désormais. Et tu vas demander à Dieu de t'amener dans l'arène de la qualité. Dans ta manière de faire, dans ta manière d'être, dans ta manière de demander. Et aussi Dieu, qui est le Dieu de qualité, va choisir les hommes et les femmes de qualité. Et il va commencer à te bénir infiniment au-delà en qualité. Infiniment au-delà en qualité. Infiniment au-delà en qualité. Nous chantons ces cantiques. Nous chantons ces cantiques et puis nous entrons en prière.